Introduction du livre de Judith. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le livre de Judith, de la Bible de Filion. Traduit par le révérend père Louis-Claude Filion de la Compagnie de Saint-Sulpice. Introduction. Premièrement, le sujet, la division. Comme le faisait remarquer saint Jean Chrysostome, trois femmes célèbres de la Bible, Ruth, Judith et Esther, ont donné leur nom aux trois livres dont elles sont des glorieuses héroïnes. Le nom de Judith, en hébreu Yehudit, en grec, Iudith, est le féminin de Judas. Il avait été autrefois porté par l'une des femmes d'Ésaü. Confère Genèse, chapitre 26, verset 34. Il convient à merveille, pour résumer l'intéressant petit livre qui raconte le remarquable exploit par lequel ce qui restait alors du peuple juif fut sauvé, pour un temps, de la servitude assyrienne. Un roi d'Assyrie, enorgueilli par la conquête de la Médie, entreprend de soumettre à sa domination toute l'Asie occidentale. Son général en chef, Holoferne, conquiert en effet une partie de l'Asie mineure et la Syrie entière. Puis, il se prépare à envahir la Palestine par le nord. Alors le grand prêtre Éliakim, animé d'un religieux patriotisme, organise promptement la défense du pays, sans oublier la pénitence et la prière, par lesquelles les Juifs espéraient toucher le cœur du Seigneur et s'attirer sa protection. Le conquérant victorieux est arrêté dans sa marche par la résistance de la ville de Béthulie. Il la cerne de toutes parts pour l'empêcher de se ravitailler et de recevoir des secours. Les habitants, réduits à la dernière extrémité, prennent la douloureuse résolution de se rendre à Merci. Mais Judith se rend au camp des Assyriens et en revient bientôt, apportant comme trophée la tête sanglante d'Holoferne. L'armée ennemie, attaquée soudain par les Juifs, est écrasée, dispersée, et le peuple de Jéhovah triomphe. Tel est le sujet dans ses grandes lignes. Deux parties, la première qui sert d'introduction et de préparation, chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 6, verset 21, raconte les événements qui précédèrent et amenèrent le siège de Béthulie. La seconde, qui est la principale, chapitre 7, verset 1 jusqu'au chapitre 16, verset 31, expose en détail la délivrance de Béthulie et de toute la Palestine par le courageux exploit de Judith. Deuxièmement, l'auteur et l'époque de la composition. On ne sait absolument rien de positif, et l'on en est réduit aux conjectures relativement à l'auteur du livre de Judith. Ces conjectures n'ont pas manqué dans le cours des siècles, et l'on a tour à tour attribué la composition de cette dramatique histoire à Judith elle-même, au grand prêtre Éliakim, à l'ammonite Achior, qui joue un rôle important dans ces pages, et à 20 autres, dont il est inutile de citer les noms, puisque ce sont là de pures théories sans fondement solide. Cependant, on pourrait dire d'une manière générale que l'auteur était un juif qui habitait la Palestine, car il en connaît à fond le territoire et les localités. Même divergence entre les critiques lorsqu'il s'agit de déterminer simplement l'époque de la composition. On a désigné presque toutes les périodes possibles entre le VIe siècle avant Jésus-Christ et l'an 117 de notre ère. Ce sont les rationalistes, on le conçoit, qui abaissent la date le plus possible. afin d'enlever au livre toute autorité. Mais ici, nous avons quelques points de repère assez précieux, dont nos meilleurs exégètes et assyriologues catholiques ont tiré un excellent parti. Tout d'abord, nous lisons dans la Vulgate, tout à fait à la fin du livre, chapitre 16, verset 31, que les Juifs instituèrent une fête annuelle en l'honneur de l'exploit de Judith et de la délivrance de Béthulie. Or, cette fête n'existait plus après l'exil de Babylone, d'où il suit que notre écrit est antérieur à la ruine de Jérusalem. Mais voici un autre fait qui nous permet de préciser davantage encore. Aucun roi juif n'est mentionné dans le récit. Et à l'heure du péril national, c'est le grand prêtre qui prend en main la défense du pays. D'où l'on a conclu à bon droit, d'une part que le royaume d'Israël n'existait plus, d'autre part que celui de Juda devait être alors sans chef, ce qui arriva précisément, comme le docte Bellarmin l'avait déjà supposé de la façon la plus heureuse, lorsque Manassé eut été déporté à Babylone pour un temps assez considérable. Confère le deuxième livre des Paralipomènes, chapitre 34, verset 11. Cette époque, nous le dirons bientôt avec une netteté plus grande encore, cadre parfaitement avec les données historiques du livre et avec le contrôle que ces données reçoivent des monuments assyriens. Ajoutons enfin que l'histoire de Judith dut être écrite assez peu de temps après les faits dont elle se compose, peu de temps du moins après la mort de l'illustre héroïne. C'est ce qui ressort de la fraîcheur, de la netteté et de la précision de la plupart des détails. Troisièmement, le texte original et les principales versions. Nous allons nous retrouver ici en face de difficultés semblables à celles que nous avons rencontrées sur ce même point à propos du livre de Tobie. Pour notre livre aussi, le texte original a depuis longtemps disparu. On ne saurait même dire avec certitude quel en était l'idiome. Pour notre livre aussi, les traductions qui nous ont été conservées s'écartent notablement les unes des autres, non pour le fond, qui est partout le même, mais pour la forme et les traits secondaires du tableau. Saint Jérôme regardait le chaldéen comme la langue primitive, opinion qui a été adoptée par un certain nombre d'exégètes. D'autres se décident en faveur de l'hébreu, peut-être avec plus de vraisemblance. Il est du moins certain que le livre ne fut pas écrit en grec, ainsi qu'on l'a quelquefois prétendu, tant le texte grec abonde en tournures et en expressions qui accusent ouvertement un original sémitique. Les principales versions sont, premièrement, celle des Septante, qui est la plus ancienne de toutes, et dont il existe plusieurs recensions assez différentes les unes des autres. Deuxièmement et troisièmement, l'Itala et la traduction syriaque, faites toutes deux sur le texte des Septante. Quatrièmement, la Vulgate. Cette dernière présente des particularités importantes, qui sont dues surtout à la méthode spéciale que suivit Saint Jérôme pour traduire le livre de Judith. Prenant pour base le texte chaldéen, il fit ce travail, raconte-t-il lui-même, d'une manière rapide et large, en un moment de grande presse. Se positis occupationibus, quibus vehementer arctabar, uic libro unam lucubrationculam dedi, magis sensum et sensu quam ex verbo verbum transferens. Multorum codicum varietatem vitiosi sima amputavi, sola ea que intelligentia integra in verbis caldeis in venire potui, latinis expressi. Nous ignorons ce qu'était au juste ce texte chaldéen. Du moins, le procédé du saint docteur suffit pour expliquer certaines omissions de la Vulgate. En comparant notre version officielle avec l'Itala, on voit en outre que saint Jérôme s'est souvent laissé influencer par l'antique traduction latine, dont il conserve en maint endroit les expressions. Malgré ces imperfections, il faut considérer la Vulgate en somme comme la restitution la plus fidèle du texte original, lors même que le texte grec, en certains endroits, serait plus exact. Dans différentes traductions du livre de Judith, ce qui ne surprend pas moins que les suppressions, additions et transpositions, et qui déconcerte beaucoup plus l'interprète, c'est l'étonnante divergence qui existe pour la transcription des noms propres. Car il en résulte parfois de vraies énigmes historiques et géographiques, qu'il n'a pas été toujours aisé de deviner. Par exemple, chapitre 1, verset 6, Jadason dans la Vulgate, Idasten dans le grec, Oulai, le fleuve Eulaios des Grecs, dans le Syriaque. Chapitre 1, verset 8, Cédar dans la Vulgate, Lalaad dans le grec. Chapitre 1, verset 9, Terra Yessé dans la Vulgate, Ge Gesem, la terre de Gesen, dans le grec. Chapitre 2, verset 13, Tarsis, c'est-à-dire Tars en Cilicie dans la Vulgate, Passis dans le grec. Chapitre 2, verset 14, Mambré dans la Vulgate, Abrona dans le grec ordinaire, chapitre 2, verset 24, Kébron dans le Codex Sinaiticus, etc. Quatrièmement, la canonicité et le caractère historique du livre. Quoique deutérocanonique comme celui de Tobie, puisqu'il manque également dans la Bible hébraïque, le livre de Judith a été regardé de tout temps par l'Église chrétienne comme une portion intégrante de la Bible. Déjà saint Clément Romain le cite parmi les écrits inspirés, et tous les anciens pères font de même. Saint Jérôme dit formellement que le premier concile de Nicée le comptait au nombre des saintes Écritures. Du reste, sa présence dans la version des Septante et l'existence de deux Midrashim hébreux qui racontent les mêmes faits d'une manière indépendante démontrent que les Juifs, soit d'Alexandrie, soit de Palestine, lui reconnaissaient aussi une véritable autorité. Il ne s'est pas élevé le moindre doute pendant les 15 premiers siècles de l'ère chrétienne sur le caractère historique du livre de Judith. C'est à la suite de Luther que l'on a commencé à ne voir dans toute cette histoire qu'une simple fiction religieuse qui symbolise la victoire du peuple juif sur tous ses ennemis. Et tel est aujourd'hui le sentiment unanime des exégètes protestants et rationalistes auxquels se sont imprudemment rangés quelques écrivains catholiques. Mais ce sentiment ne repose sur aucune base solide, et nous pouvons lui opposer les preuves extrinsèques et intrinsèques les plus convaincantes. Premièrement, la tradition chrétienne n'est pas moins unanime sur ce point que sur celui de la canonicité. Voici en quels termes elle a été résumée par un auteur contemporain. Celle que saint Clément Romain nomme bienheureuse, que l'auteur des Constitutions apostoliques appelle très sage, Clément d'Alexandrie, parfaite entre les femmes, Origène, magnifique et la plus noble de toutes les femmes, celle que Tertullien place au nombre des saintes, que saint Ambroise proclame admirable, saint Augustin glorieuse, saint Fulgence une sainte et illustre veuve, saint Chrysostome très sainte, cette femme n'a certainement pas été regardée comme nulle et sans réalité historique par d'aussi grands personnages. Deuxièmement, cette tradition chrétienne, nous venons de le dire, s'appuie sur la tradition juive et la continue. Or, cette dernière n'a pu se former d'après des événements supposés ou d'après un roman historique. Ajoutons que les anciennes prières juives pour le premier et le second sabbat de la fête de la dédicace contiennent un résumé du livre de Judith, ce qui prouve que les Israélites croyaient à la réalité des faits qui y étaient racontés, car ils n'auraient pu remercier Dieu d'une délivrance imaginaire. Troisièmement, le fond même du livre, si on l'envisage soit dans son ensemble, soit dans les détails, nous garantit que l'écrivain sacré a voulu raconter des faits strictement vrais et objectifs. Notez en particulier les données généalogiques, chapitre 8, verset 1, géographiques, chapitre 1, verset 6 à 8, chapitre 2, verset 12 à 17, chapitre 3, versets 1 et 14, chapitre 4, versets 3 et 5, etc. Chronologique, chapitre 2, verset 1, chapitre 8, verset 4, chapitre 16, verset 28, etc. Historique, chapitre 1, verset 3 à 10, etc. dont la narration est parsemée. Elles sont toutes saisissantes de vérité. Quatrièmement, on allègue, il est vrai, des objections multiples contre la véracité des faits contenus dans le livre de Judith. Nous les signalerons et les réfuterons une à une brièvement dans le commentaire, et l'on verra qu'elles ne présentent rien de grave. D'autre part, comme d'éminents assyriologues l'ont récemment démontré, les documents ninivites justifient admirablement le récit sacré dans ses grandes lignes et pour une foule de traits secondaires, à tel point que l'on a pu dire « une seule chose manque aux annales cunéiformes, le nom d'Holoferne ». Nous profiterons aussi de ces précieuses découvertes pour l'explication. Leur caractère apologétique est manifeste. Cinquièmement, le but et l'utilité du livre de Judith. Le but paraît contenu tout entier dans cette réflexion du chef ammonite Achior à Holoferne, chapitre 5, versets 24 à 25. Maintenant donc, mon Seigneur, prenez des informations. Si les Juifs sont coupables de quelque iniquité en présence de leur Dieu, attaquons-les, car leur Dieu vous les livrera, et ils seront assujettis au joug de votre puissance. Mais s'il n'existe pas d'offense de ce peuple envers son Dieu, nous ne pourrons leur résister, car leur Dieu les défendra, et nous serons en opprobre à toute la terre. L'historien a donc voulu démontrer à ses coreligionnaires, par cet épisode remarquable de leur histoire, qu'ils n'avaient rien à craindre aussi longtemps qu'ils demeureraient la nation fidèle de Jéhovah. C'est la pensée exprimée en termes si lyriques au psaume 45. Quant à l'utilité de ce beau récit, on peut l'envisager à un triple point de vue. Sous le rapport historique, elle est toute évidente, puisque nous avons ici un supplément important à l'histoire juive. Sous le rapport moral, quoi de plus édifiant que les vertus de Judith, si souvent relevées par les pères, notamment sa foi, son esprit de prière et sa chasteté. Enfin, sous le rapport symbolique, la vaillante héroïne a été regardée comme un type de Marie, la reine immaculée, mère de Dieu, à laquelle l'Église applique les beaux textes, chapitre 13, verset 23, et chapitre 15, verset 10. Sixièmement, auteurs à consulter. Didacus de Celada, Judith illustris perpetuo commentario literali et morali, Lyon 1637. Les commentaires de Serrarius, de Cornelius à Lapide, de Calmet, Maufaucon, La vérité de l'histoire de Judith, Paris 1690, J. de La Neuville, Le livre de Judith avec des réflexions morales, Paris 1728. Gillet, Toby, Judith et Esther, Paris 1879. F. Robiot, Deux questions de chronologie et d'histoire éclaircies par les annales d'Assurbanipal, Paris 1875. A. Delâtre, Le livre de Judith, études critiques et historiques, Paris 1884. Palmieri, De Veritate Historica Libri Judith, Golpen, 1886. Voyez aussi F. Vigouroux, La Bible et des découvertes modernes, tome 4, pages 275 à 305 de la 5e édition. Fin de la traduction.